Comment la démocratie répond-elle aux mensonges? Ce qui caractérise l'espace public qu'on peut dire ordinaire, l'espace où les êtres humains sont en rapport par le langage, cherchent ensemble la vérité, cherchent aussi leurs intérêts, cherchent le pouvoir. Ce qui caractérise donc ce qu'on peut appeler l'espace politique ordinaire, c'est la coexistence de la vérité et du mensonge. Il y a pathologie de cet espace public quand le mensonge domine tout, quand il y a propagande, vérité officielle, ou plutôt mensonge officiel et systématique. Mais le propre de l'espace public ordinaire, et qu'on peut dire démocratique, c'est justement pas d'imposer une vérité officielle, et c'est donc de permettre la coexistence de la vérité et du mensonge, qui devient parfois fragile, non seulement quand il y a un mensonge d'État, mais quand il y a prolifération de toutes sortes de mensonges, et aussi de cette autre pathologie, peut-être plus grave et plus précise aujourd'hui, qui n'est pas seulement de mentir soi-même, mais d'accuser les autres de mentir. Il y a deux pathologies politiques du mensonge, le fait d'être un menteur et le fait d'être un soupçonneur, le fait de croire aussi que les autres vous mentent. Et aujourd'hui, peut-être cette pathologie du soupçon, du complotisme, vient s'aggraver à la pathologie du menteur professionnel ou pathologique. Et comment la démocratie, qui est plutôt un espace de coexistence assumée de tous les discours, dans certaines limites, quand certains discours ne sont pas seulement des mensonges, mais des appels à la haine ou au meurtre, par exemple. Là, on peut les interdire, mais on ne peut pas interdire le mensonge. Le mensonge ne relève pas en lui-même d'une violence ou d'un meurtre, sauf quand, encore une fois, il devient incitation à la haine. La démocratie ne lutte donc pas contre le mensonge en emprisonnant les menteurs, en propageant une vérité officielle. Comment la démocratie lutte-t-elle contre le mensonge? Et pourquoi la démocratie est-elle même la seule manière de lutter véritablement contre le mensonge? Alexandre Coiré, dans ses réflexions sur le mensonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale, nous l'expliquait. La démocratie ne peut pas faire comme la tyrannie, imposer une vérité officielle. Elle doit laisser l'accès libre à tous les discours, y compris évidemment celui de la vérité, celui de la science. Elle doit défendre une méthode, des principes, des cadres qui sont ceux de la recherche commune de la vérité, qui n'empêcheront pas les mensonges, qui n'interdiront pas les mensonges, pas plus d'ailleurs évidemment que les erreurs. Encore une fois, la seule chose à interdire, ce sont les crimes et les appels aux crimes. La démocratie a cette force dans sa fragilité, c'est d'assumer la coexistence dans l'espace des discours vrais et des discours faux, et même de certains discours faux propagés délibérément et peut-être même pour nuire, au moins partiellement, et qu'on appelle en effet des mensonges. C'est sur cette coexistence que mise la démocratie. De même que dans nos vies, nous faisons confiance à la présence de la vérité pour permettre de lutter contre le mensonge, sinon de le détruire ou de l'éclipser. Lutter démocratiquement contre le mensonge aujourd'hui, c'est donc lutter contre sa prolifération, bien sûr, contre ceux aussi qui s'en servent, mais aussi contre ceux qui nient l'idée même de vérité, qui accusent tout le monde de mentir. Si on accuse tout le monde de mentir, alors il est certain qu'il n'y a plus cette coexistence du vrai et du faux, du mensonge et de la vérité, qui est le seul remède à la généralisation du mensonge, sans imposer pour autant la même vérité à tout le monde.